boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Salut, on est Raskolnikov. Écoutez Pop and Rock sur RVR. Mes potes de Raskolnikov pour débuter un pop and rock sur RVR dans lequel on ne se fera pas beaucoup de nouveautés parce que de temps en temps, quoi de meilleur que de profiter des bonnes choses même si elles datent quelque peu. Raskolnikov donc pour commencer, les franco-suisses que j'ai vus en concert au Sonic à Lyon il y a quelques semaines avec un moment qui restera gravé notamment grâce à la chanson finale que Matt a offert à Pop and Rock, qu'il en soit remercié et longue vie au rock. Streaks of lightning on your telly. Fingers drip, dipped in paint of cantaloupe and licorice. We're pulsing blue, blue to orange, dripping fire music down your back, floating up through your skin, white gardenias in your eyes. Thurston Moore, moitié de la matière grise de Sonic Youth, a en 2020 offert un album solo magnifique que nous n'avions pas écouté depuis des semaines. Erreur corrigée. Par contre, le groupe qui accourt à présent, voilà plusieurs semaines que je vous aide à les découvrir avec un nouveau titre dans chaque pop and rock. Et ce soir, ce sont deux titres de 21 grammes qui vont faire survivre le rock français. We'll be right back. lentement, recouvre la voile de poussière. Les souvenirs incandescents, peu à peu perdent leur lumière. Laisse la détresse inexorablement des sillons dans nos chairs. Succès d'ouvrir des enfants, un étau qui se resserre. Avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps. Ouais, pas d'erreur, vous êtes bien donc Open Rock sur la très locale Radio Val de Rhin et on se fait un deuxième titre de 21 grammes. Sur les murs de nos vies, dans le creux de nos mains, y a comme des souvenirs. Debout de trois fois rien, à coup de victoire à venir, en vue d'un échec certain. Quand d'autres vont dormir, pour nous c'est le matin. Quand on refait le parcours chaque jour, on subit le destin en silence. On se fond dans la prise, on rencontre en chemin la chance. Entre le mal et le bien, y a tant de choses à dire. On parlait sur les vins, mais tout au bout y a l'avenir. Et juste après y a plus rien. À quoi bon se mentir? C'est cruel et sans fin. Quand on refait le parcours chaque jour, on subit le destin en silence. On se fond dans la prison. Comme dans une tragédie, lorsqu'arrive la fin, y'a plus rien à écrire. L'épilogue est certain. Quand vient le moment de partir, de renoncer à demain, sur nos masques de cire, la lumière s'éteint. Quand on refait le parcours chaque jour, on subit le destin en silence. On se fond dans la prise, on rencontre en chemin la chance. Grammes, le poids de l'âme du rock à synthé, mais si on file aux États-Unis, à mon avis, c'est beaucoup plus lourd, notamment à cause du Make It With You des Queen of the Stone Age. Anywhere. I wanna make out, but then I look at you. just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, that'd be untrue. The only thing I know for sure. Time anywhere, that's a dream. Again and again. Anytime, anywhere. Again and dans Pop'n Rock sur la très locale Radio Val d'Orin, vous le savez peut-être, on adore le rock, mais pas que. Ce que l'on aime par-dessus tout, ce sont les grands écarts musicaux, puisque nos playlists vont des Arctic Monkeys à Bowie, en passant par les Smiths, Noir Désir et autres Black Keys. Vous l'avez compris, l'important c'est l'énergie que nous envoient tous ces fous furieux, qu'elle soit rock ou bien pop. Thank you. L'appel au secours de l'androgyne Remy Weyer vient de nous réveiller et j'espère qu'il attise votre appétit musical. Alors surtout, si le blues vous emplit, restez bien sur le 104.6, on va faire en sorte qu'il ne vous complète pas. Allez, niveau suivant avec les Smashing Pumpkins. Smashing pour notre premier Oldies But Goldies, et d'ailleurs si des vieux trucs vous plaisent, bien sûr je ne parle pas de moi, mais toujours de musique, vous reconnaîtrez sans doute ça. Mirror. Et ouais, dans Pop and Rock sur RVR, on adore les oldies but goldies, mais on s'efforce aussi de vous trouver des groupes peu diffusés et parfois on flash à fond sur ces découvertes qui deviennent alors des classiques de Pop and Rock, comme les candidats malheureux gonflés à la Novocaine. Dis donc Nida, t'as trouvé ? Novocaine, I keep it coming so I feel no pain. I tell my girl that I'ma change my ways. She knows I'm never gonna change. Same old shit running my mouth until she busts my lip. So many problems, you can take your pick. I know I'm never gonna change. Me too close. I am what I am, know what I know. You catch me running away, then you'll know. Sur le 104.6, c'est Pop and Rock comme tous les lundis entre 17h et 18h sur les ondes de RVR. And I knew that you'd be leaving. West End Motel, ça fait des mois que je ne les avais pas proposés. Pourtant, qu'est-ce que c'est bon ? Alors promis, ils reviendront très vite hanter les playlists de Pop and Rock. Mais en attendant, on va se faire Already Know des Temperance Movement que je n'avais pas eu le temps de vous passer la semaine passée. Take a moment in the madness, maybe try to sit yourself down. You know the trick is just to keep on breathing. See all the beauty in the wildness, listen to the riddles and the rhyme. But they can never tell you nothing that you don't already know. And I just wanna see you there when you turn on that light. You're at your brightest, baby, when the rest are fading out. And I don't need to say a prayer that you be alright. Cause I know that you will stand, and I know that you will fight. I know you never lost faith for a minute when it all came down. Even though you said your life was leaving, Temperance Movement, vous allez voir le gimmick, il reste dans la tête facilement, plus facilement que le nom du groupe, quoique dans Pop and Rock, on vous a proposé des groupes au nom bien plus compliqué. Mais trêve de discours, fonçons vers Oblivion, issu du dernier album de Royal Blood. Change my sans parler de grand écart musical, le groupe qui arrive va être bien différent de Royal Blood. On va donc prendre notre temps, et comme je vous le dis souvent, dans Pop and Rock, la mode du rock des années 70 est toujours bien vivante, vous en doutez ? Alors écoutez le Let It Go des Triptides. Fin des années 70, début des années 80, il y avait ça, troisième Oldies but Goldies de la soirée. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. Well, teacher tells you stop your play and get on with your work. Like Johnny Too Good. Well, don't you know he never shirks? He's coming along. Thank you. Roger Hudson, voix éternelle de Supertramp, a chanté School et le chantera longtemps encore, espérons. Notre heure pop and rock'n touche presque à sa fin. Si je vous dis The Verve, à quoi pensez-vous? Perso, je pense notamment à ce petit truc. 16e et dernier titre du soir, ce sera Island de XX. Profitez bien et n'oubliez pas le blues, du spleen, le seum. Enfoncez vos écouteurs intra-auriculaires et montez le son. Sur ce, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Now I don't ever have